Nous y voilà. Nous y voilà. Cargo Culte. Et on rembarque. On rembarque aujourd'hui pour une excursion dans le hip-hop avant-garde. C'est exactement ce qui était écrit, et ce qui est toujours d'ailleurs écrit, en exergue du disque du jour. L'ultra classique aujourd'hui, Strictly Turntablized, c'est DJ Crush, le japonais DJ Crush, qui signait sur Mowax cet album légendaire, et de facto légendaire d'ailleurs, en 1994. Ah, quel plaisir de se rebaigner dans ce disque, effectivement, et puis qui n'a pas du tout volé hein, son sous-titre, hein, d'Excursion into the Hip-Hop Avant-Garde, et qui garde la même âpreté, la même élégance et un caractère chaud-froid, volontiers sombre hein, quand même, par-delà les générations. Hein. Autant dire que d'ailleurs, avec ce disque-là, DJ Crush est quasiment devenu le père tutélaire d'un genre néo-genre. Alors on va le dire, c'est le trip-hop. Vous savez comment sont les Anglais, hein, dès qu'un truc arrive, paf, ils trouvent une définition qui est des fois encore mieux que la musique elle-même. Et oh, bah, allez, c'est pesé. Effectivement, là, le trip-hop, on y est en plein. C'est l'étape de la loi du trip-hop. Et alors, pour le peu du vrai trip-hop, j'ai envie de dire. Parce qu'avant, il y avait une forme de trip-hop, et puis attendez, très avéré et volontiers classe. Hein, je pense à Massive Attack, à Portishead. Voilà, mais ce trip-hop-là, qui est finalement plutôt trip-pop, il doit beaucoup au texte, il doit à la chanson, il doit même, d'une certaine manière, à la mélodie. Donc il est quand même structuré fondamentalement comme une chanson. Avec cette génération qui va poindre là à partir de 1994, cela dit, il est déjà là, et DJ Crush en est un bon exemple, et surtout... les têtes de pont qui vont défiler sur le paquebot Mowax, parce que là, effectivement, ça va être un label tutélaire très très important, je m'en parlais aussi pas mal. Bah, tout d'un coup, ça nous initie quelque chose qui est effectivement hors des schémas pop, qui est en plein pied dans la culture DJ, mais qui tout en étant en plein pied dans la culture DJ, n'hésite pas à prendre les chemins de traverse et voire à faire plusieurs pas de côté. Bah, ne serait-ce que déjà, le tempo va se ralentir énormément. Et puis, bah, ce fameux trip-hop, revenons-en à une définition finalement toute ordinaire, mais qui en dit long. Le trip-hop, c'est un hip-hop débarrassé du rappeur. Donc, à partir du moment où vous avez enlevé le rappeur, et donc ce qui, a priori, on faisait quand même l'attraction centrale, il va bien falloir mettre des éléments. Il va bien falloir tisser quelque chose. Et c'est là que cette génération, effectivement, dite trip-hop ou tout ce que vous voulez, down beat, down tempo et instrumental hip-hop, va s'en donner encore joie. Et alors avec pléthore d'artistes, pléthore d'influences, pléthore de styles. Et Mowax, c'est le label qui va être un petit peu la tête de pont de ça. Mowax, c'est un label très intelligent et surtout mené par James Lavell, qui est quelqu'un d'extrêmement éclairé, qui est le boss du label, mais qui était aussi un artiste du label. Il le prouvera sous ses patronymes successifs, spécialement Uncle. Et il est clair que James Lavell et Mowax ont bénéficié, spécialement à partir de 1994, le label existe dès 1992, mais l'année clé, celle dont on parle aujourd'hui, où va paraître cet album de DJ Crush, va être constellée de sorties importantes, extrêmement opportune, grâce à laquelle, j'insiste là-dessus, Mowax et James Lavell vont probablement profiter d'un effet d'aubaine, parce que, je vous le disais, et insistons, nous sommes bien dans la DJ culture. Nous sommes bien dans une forme de dance music, quand bien même elle est très ralentie. En 1994, la plupart des médias n'en ont rien à foutre de la dance music. Sont passés totalement à côté de la house, de la techno, et puis de ces embryons qui commencent à poindre. Et ma foi, il y a quand même dans la presse musicale une partie de gens qui se disent « Bon, bref, il ne faudrait peut-être pas rater le next big thing. » Et puis du coup, ils vont dire « Bon, lui, ça y est, il y a un truc là, un petit peu plus intello, James Lavell est un gars super, il assume des références telles que Sun Ra, Liquid Liquid, emprunté à la New-Yorkaise, Sun Ra évidemment, le Sun Ra et le mythe premier afrofuturiste. » Donc tout ça, waouh, va donner une crédibilité à ce néo-genre auprès auprès d'une presse musicale qui avait largué les amarres, en fait. Bon, quelle presse musicale ? Je n'ai pas donné de nom. C'est... Bon, prenez n'importe quel titre de presse musicale avec le mot écrit rock dedans, et puis et vous serez dans le juste, quoi. Bon, et c'est vrai que c'était spécialement le cas en France. Alors du coup, Hype en retour est extrêmement bien travaillé par James Lavell, qui donc pour la seule année 1994 va sortir une double compile, Heads, totalement légendaire, et en fait elle déroule le générique des productions à suivre, et deux disques absolument essentiels. L'un est un maxi à rallonge, en fait, que quasiment un album, il dure plus de 32 minutes, de DJ Shadow. Et DJ Shadow va être un élément phare de l'écurie Mowax après, et puis il va survivre à Mowax. Le label ne va pas durer très longtemps, enfin il a duré 10 ans, ce qui pour un label est pas mal, mais il y a d'autres labels du même genre, je pense à Ninja Tune, qui sont encore là, qui ont largement 30 ans aujourd'hui, qui vont probablement continuer longtemps. Donc Mowax est à la fois un pavé et un épiphénomène. Et dans cet épiphénomène, effectivement, des stars. Donc je viens de nommer DJ Shadow, j'en parlerai pas plus aujourd'hui. J'aurai probablement plaisir à y revenir une autre fois. Et avec justement 1994, ce qui n'est pas encore son album. Ça arrive vite après, mais c'est pas encore là, son véritable album. Et par contre, le véritable album de DJ Cross, celui dont on parle aujourd'hui, qui officialise enfin les débuts sur vinyle de DJ Crush, le japonais DJ Crush, c'est Strictly Turntablize. C'est un disque, alors c'est pas le premier d'ailleurs hein, de DJ Crush, c'est le deuxième. Ce qui est amusant, c'est que le premier est sorti quelques mois avant, hein, c'est la même année. Et c'est un disque qui est donc dans l'esprit jazz, down-tempo, dont DJ Crush s'est fait un zélateur certain, mais qu'on ne connaît pas. DJ Crush, c'est quelqu'un qui a une carrière au Japon, mais uniquement là. Et ça ne sort pas de là. Et c'est quelqu'un qui joue depuis quelques temps quand même. Je reviendrai un petit peu plus en détail, presque sous sa bio, dans les minutes qui suivent. Mais revenons sur le disque en soi, qui va du coup, dès le deuxième, et qu'on peut considérer très justement comme le premier, celui qui va être influent, puis donc le premier album de Crush apparaître sur Mowax, il y en aura d'autres, lui va de facto insuffler quelque chose de nouveau. Quelque chose qui n'est pas du tout dans les codes habituels du hip-hop. On est dans des tonalités très sombres, volontiers oppressants. On peut bien sûr parler d'une forme de minimalisme, tant ici on est dans quelque chose de strict. Pas de fioritures, hein. Pas de chant, pas de rappeur. Chose qu'on verra par la suite et qu'on avait vu d'ailleurs avant chez DJ Crush. Et c'est un disque qu'on pourrait penser. Il est tellement dépouillé qu'on pense à un DJ Tool parfois. Il ne faut pas y chercher de la mélodie. Ou alors, elle est noyée dans des réverbes extrêmement allongés, des sonorités très gutturales, une humeur très, très caverneuse. Mais tout ça fait de cet album, à mon avis, le meilleur album de Crush. Ça me paraît incontestable. Et un disque qui dès de facto, quand il va sortir en 1994, va quand même bousculer les idées reçues sur le hip-hop, sur la dance music, sur la musique électronique en général, et spécialement les musiques faites à base de scratch ou à base de samples. Peter Shapiro, dans son Rough Guide to the Drum and Bass, avait dit de Strictly Turntablized que c'est un album qui montre que le down-tempo est capable d'évoquer autre chose qu'une vulgaire hypnèse imbibée de ganja. Quoi. Voilà, c'est intéressant. Qui c'est DJ Crush. C'est quelqu'un qui est venu presque de nulle part et qui pourtant a un petit peu de bouddha. Il signe son premier album, il a 32 ans déjà. C'est quelqu'un qui naît en 62. Ishii Hideaki. Ah oui, c'est son nom. Oh, on n'est pas sous le nom de DJ Crush. Ishii Hideaki, c'est un adolescent tourmenté et qui est en fait un yakuza. Un ancien yakuza. Et au début de sa carrière de jeune gangster yakuza, l'adolescent Ishii, va être confronté à ce rituel assez célèbre chez les Yakuza, le Yubitsume. Le Yubitsume, d'ailleurs ce nom tout mignonnesse cache un rituel extrêmement hardcore, qui se traduit littéralement par un raccourcissement des doigts, voire de plusieurs doigts. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand vous faites une entourloupe au gang avec lequel vous êtes affilié, on vous coupe un doigt ou plus. Et bah Ishii va découvrir le doigt coupé et enveloppé dans un chouette papier craft sur son bureau d'un de ses meilleurs amis. Coup de panique quand même chez Ishii et ce désir de quitter immédiatement les Yakuza et couper le pont avec la pègre. Chose qui n'est pas si facile, et là-dessus on n'a probablement pas d'éléments pour en interpréter davantage, mais enfin, on ne quitte pas la pègre comme on quitte son boulot de postière au PTT. Toujours est-il que Ishii Hideaki va y arriver, et il va trouver le salut en 1983 avec un film, une inspiration divine, c'est le film Wild Style. Wild Style, c'est le premier film hip-hop important, made in America évidemment, un film typiquement new-yorkais. Car dans le film, on voit le Rocksteady Crew, les Cold Crush Brothers, Fab Five Freddy, Grandmaster Flash, voilà, la Zulu Nation, et notamment Queen Lisa Lee, l'une des femmes importantes de la Zulu Nation. J'en oublie certaines. Donc Ishii tombe dans la culture hip-hop, de facto. Non seulement parce que, quelque part, il y a une révélation avec le film et il l'adore, mais c'est surtout une porte de sortie. Alors il s'essaye au breakdance, bof bof, il s'essaye au graffiti, bof bof, et finalement il s'essaye au truc qu'il va garder, c'est le DJing. Voilà. Vous savez, c'est un schéma presque classique en même temps, ce que je raconte là. C'est-à-dire qu'effectivement, que l'inspiration première ait été insufflée à toute une génération hip-hop du début des années 80 avec le film Wild Style, ça s'est vérifié un peu partout. Et puis que chaque jeuneau qui s'implique finalement dans cette culture-là touche un petit peu à tout dans cette culture-là. À l'évidence, le breakdance et le graffiti sont les pratiques les plus accessibles. Demandent pas d'argent. Le DJing, c'est déjà autre chose. Ah oui, il faut acheter de platines et puis des disques. Quand DJ Crush, qui va maintenant s'appeler DJ Crush, va acheter sa paire de platines, le vendeur lui dit bah, « Vous savez, c'est des très bonnes platines, c'est pas la peine d'en prendre deux, une ça vous suffit ». Voilà, ça en dit assez long sur cette humeur du début des années 80 où ma foi, la notion de DJing, la notion de hip-hop, et surtout au Japon, elle n'est pas établie. Alors elle va le devenir, et Crush va évidemment être un des éléments forts de cette scène-là. Assez rapidement, à partir de 1986, Crush va jouer très très régulièrement pour les breakdancers du parc Yoyogi. Alors le parc Yoyogi, à Tokyo, c'est une légende depuis, je sais pas depuis combien de générations. C'est un parc, en fait, où traditionnellement, plein de jeunes, ou de moins jeunes, vont se retrouver et danser. Et quand je dis plein, c'est plein. C'est un rituel qui existe toujours. Donc les breakdancers, évidemment, ils trouvent territoire, mais on trouve, si vous y alliez demain, il y a toutes les chances pour que vous voyez des contests de danseurs rockabilly. Et évidemment, à chaque fois, ils auront le look super rockabilly, la banane gominée parfaitement, enfin, rien ne manque, quoi. Croyez-moi, ils sont très forts pour ça, les Japonais. Donc, Yoyogi, c'est une scène. Et les breakdancers du parc, évidemment, ont besoin de quelqu'un pour soutenir un petit peu le truc. Et Crush devient une figure incontournable. Alors, incontournable, certes, mais je le disais en exergue de ce programme, totalement ignoré au dehors du Japon, quoi. Donc, les années passent. Une compilation de Moax, c'était marrant, cette compilation est peu connue, elle a été réservée au marché japonais. Elle sort en 1993. C'est là que le nom m'échappe. The Jazz Hip Jap Project. Voilà, c'est exactement ça. The Jazz Hip Jap Project va compiler des DJ intéressants du cru, DJ Takemura notamment, et DJ Crush, qui est un petit peu la vedette de cette série-là. Et puis, ma foi, James Lavelle a une idée derrière la tête, c'est effectivement lui faire signer cet album auquel on arrive enfin. Voilà. C'est début du trip-hop, ou d'un hip-hop strictement instrumental, et qui, vous allez voir, vous vous en rappelez, parce que je sais que beaucoup d'entre vous connaissent ce disque, ça sonne déjà comme son crépuscule. C'est certes dû à une ambiance totalement crépusculaire du disque, mais il y a aussi quelque chose de complètement définitif dans ce qu'on va entendre là. Certains titres ont la force d'un hymne. Je pense à Kemori, Silent Hunger, sous-titré Too Much Pain. Il y en a deux versions d'ailleurs sur le disque. Ça sonne comme la bande-son rêvée d'un film de David Lynch, quoi. D'où effectivement cette propension au trip-hop de devenir très très vite une musique totalement cinétique, une musique ultra cinématographique. Parce qu'évidemment, à partir du moment où le hip-hop s'est débarrassé du rappeur et devient donc trip-hop, il va falloir mettre plein d'images à la place. Je rappelle que c'est peut-être DJ Shadow qui sera le plus fort en collectionneur d'images et de sons à ce jeu-là. Mais la force de DJ Crush, et en fait la force de cet album précis qu'on écoutera bientôt, Strictly Chantablize en 1994, c'est de réussir une balance absolument parfaite entre le sample et entre le scratch. Le sample, c'est la citation, par définition. Quant au scratch, bah, c'est une discipline martiale. C'est pas étonnant qu'elle trouve écho, finalement, dans les pays asiatiques. Mais cette martialité, elle est tout le contraire, finalement, d'une humeur travaillée. Elle est tellement démonstrative et elle joue tellement des codes, finalement, qu'elle en oublie la musique, elle en oublie la composition elle-même, elle en oublie ce qui va faire la saveur d'un disque comme Strictly Chantablize. C'est-à-dire tout ce travail de couches, de sous-couches, d'ambiante, mais alors dans le sens ilbiante, hein, comme le disaient les Américains. Il n'est pas rare d'entendre dans l'album Strictly Chantablize des humeurs quasi industrielles, mais plus encore des emprunts stylistiques qui sont plutôt le propre de la musique concrète ou de la musique électroacoustique telle qu'elle était pratiquée en France, quoi. Bienvenue dans ce disque, donc. Il est court, un peu moins de 40 minutes, je pense qu'il fait 38 minutes. C'est d'ores et déjà un classique, et puis comme je vous le disais, ça a été un classique de facto. Mais quel bonheur que finalement, après 30 ans, ce disque garde une jeunesse, certainement, et une âpreté, finalement, toujours actuelle. Hein. Il est assez facile de voir aussi dans DJ Crush, le père d'une certaine forme de lo-fi hip-hop, tel que ça se développera par la suite. Hey, you don't know he want to play Crush's records. I tell him, you play this record. I grab his head, I put it in the turntable. Et c'est comme ça que ça s'arrête. Le grimoire s'achève ainsi. Un grimoire, véritablement, un grimoire. Quand bien même, il est court, hein, finalement, hein, moins de 40 minutes, 38 minutes. C'est court pour les formats de l'époque. Quand on sortait des CD, on y allait sur plus de 60 minutes, quoi. Alors, c'est amusant, il faut le constater, parce que c'est pas anodin. C'est que, en fait, la dance music et tous ces genres sortent en 12 inches à l'époque. C'est-à-dire en maxi, finalement. C'est le vinyle qui fait loi, évidemment. Et ça, bien avant une hypothétique réappropriation du vinyle qui date des années 2000 et au-delà. Les CD arrivaient après. Et en général, compilaient finalement ce qui était sorti auparavant. Mowax a aussi ce flair de dire, ben voilà, si on doit toucher un public qui n'est pas celui justement des DJ, et en tout cas pas que celui des DJ de la dance music, allons-y sur le CD de facto. Donc chaque sortie à partir de cette année-là, en 1994, va finalement sortir à la fois en CD et à la fois en vinyle. Et chose amusante sur le CD, et je ne crois pas que ce soit le cas sur les copies vinyles, et ça c'est un truc qui m'avait en plus complètement échappé à l'époque, alors qu'aujourd'hui, je l'ai vérifié sur tous les Mowax de cette époque-là, c'est clairement écrit « All right reserved, unauthorized copyright production, hiring, lending, public performance and broadcasting prohibited ». Voilà, même le broadcasting est interdit. Eh ben... Pardon Mowax, hein, j'ai broadcasté pour le plaisir de tous. Et je suis content, oui, j'ai vu des réactions. J'étais sûr que ça arriverait. On m'a dit hey, DJ Shadow, quand est-ce que vous le passerez? Voilà. Et DJ Shadow, oui, ça, c'est presque une blague. C'est presque du private joke, mais on a vu spécialement dans une boutique très connue, hein, pas parisienne de l'époque. Bah, c'est Rough Trade, on peut le nommer. Une jeune. Petite jet pimponnée qui disait « Est-ce que vous aviez Didier Shadow ?» Voilà. Et vous savez comment ils sont, les vendeurs de disques, hein. Parce qu'ils se moquent, hein. Les vilains. Donc, promis, on reparlera de Mowax, et promis, on le fera probablement avec DJ Shadow, qui est quand même l'autre personnage clé du label, et donc, si on doit l'admettre, du mouvement trip-hop. Bravo encore d'avoir signé un disque comme celui-là en 1994. Si vous réfléchissez bien, les codes du hip-hop en tant que tel sont en perte de vitesse, en tout cas les fondamentaux du hip-hop. Notamment le graffiti art, ou encore le breakdancing. La musique hip-hop, elle, effectivement, elle évolue, elle se dope de nouvelles technologies, sans pleurer en tête. Mais ce n'est pas une nouveauté à ce moment-là. Et il y a chez James Lavell et Mowax, je parlais de son intuition et de son intelligence, une habileté évidente justement à réhabiliter ces fondamentaux-là. Ce sera notamment le cas à travers de l'art design du label lui-même, des pochettes, et bien sûr de cette pochette de Strictly Jant Blythe de DJ Koch qu'on écoutait aujourd'hui. La pochette est signée Futura 2000. Futura 2000, c'est un des grands gars du graffiti art, du début. C'est une star dans les années 80. Mais dans les années 90, c'est complètement oublié. Et vous savez, au milieu des années 90, même Basquiat, c'est ringard. Effectivement, ça changera juste après. Mais c'est star du graffiti art, effectivement, parce qu'on arrive à une forme de digital art et de paradigme du digital, fait qu'effectivement, ce truc se ringardise provisoirement, parce que ce n'est absolument pas le cas par la suite. Mais il y a un creux de la vague sur cette culture-là, et en particulier ces artistes-là. Futura 2000, qui après d'ailleurs les aventures avec Mowax, parce qu'il va signer plein de pochettes, toute la signalétique, la pochette de Heads, etc., c'est signé Futura 2000, du coup reprendra le nom tout simple de Futura. Il y a cette très belle mise en abîme, la pochette elle est formidable, hein, donc recto verso, elle est approfondie abstraite, hein, comme l'étaient d'ailleurs tous les graphes de Futura 2000. Et c'est le verso qui... et un tantinet plus explicatif, et qui va montrer en fait la platine elle-même comme mise en flottaison sur un espèce de ciel, comme une voie lactée, si vous voulez, singée dans ce graffiti particulier de Futura 2000, et cette platine est en flottaison totale, quoi, au milieu de couleurs volontiers sombres et marines, exactement comme le sont les couleurs sonores du disque qu'on écoutait, quoi. Voilà. C'est un plaisir de réécouter ce disque-là avec vous. La carrière de Crush ne va pas s'arrêter, là. Elle va même continuer, bien au-delà, et elle continue encore aujourd'hui. Bon, je disais, puis ma foi, ils n'ont pas peur d'affirmer ses goûts, hein, pas forcément d'accord, mais à l'évidence, je trouve que le meilleur album de Crush, c'est celui-là, quoi. Ceux qui viennent par la suite sont tout à fait respectables, cela dit, mais probablement moins envoûtants, moins prenants, et puis peut-être moins en signe, moins en raccord avec l'époque aussi. Très, très dernièrement, puis je propose qu'on se quitte avec ça, c'est Bill Laswell qu'a coopté DJ Crush dans son environnement sonore. Donc Bill Laswell, c'est un homme qui, à partir des années 80, va traverser pas mal d'avant-garde, spécialement new-yorkaise, et faire comme ça, buvard, avec plein d'expressions, dans le hip-hop, dans le funk, dans le noise, dans le disco aussi, quoi. Donc Bill Laswell, bassiste de Material, et puis très rapidement capitaine de label, notamment Axiom, et d'autres qui vont suivre par la suite, est une antenne permanente un petit peu branchée sur ce qui se passe. Donc rien d'étonnant à ce qu'il coopte une forme de trip-hop 2.0 à partir des années 2000. Et c'est exactement ce que je vous propose d'écouter là maintenant avec ce morceau de sortie. Il est très long, alors en plus là c'est totalement en antinomie avec les titres plutôt courts qu'on avait dans Strictly Turn to Blind, qu'on écoutait là. Là c'est un titre de 20 minutes, et comme on a le temps, on va l'écouter. Et vous allez voir, c'est tout en élégance, c'est très sage en fait. C'est volontiers éthéré, plein de petits pianos, des effets de délai. Là, pour le peu, c'est une véritable tonalité ambiante, hein, avec un arrière-plan soft jazz et breakbeat, bien sûr. Mais on est quand même très très loin, hein, de l'âpreté gutturale de Strictly Turn to Blind. Donc, voilà de cette sortie. Avec ce projet, vous le trouverez sur Bandcamp, de Bill Laswell et DJ Crush. L'album s'appelle Say Hate, et ce morceau à rallonge, quasi fleuve, mais justement c'est ce qui fait qu'il est intéressant, parce qu'il se déploie comme ça, assez lentement, quelque chose d'un peu papier peint, mais du joli papier peint quand même. Ça s'appelle Shirai, et c'est ainsi qu'on s'évade pour ce Cargo Cult. Merci d'avoir été à l'écoute, à la semaine prochaine. Thank you. Thank you. Bye.